Pour féliciter le 7e congrès du Parti Travail de Corée, Athanas Ivanov, président d'honneur de l'Union des communistes bulgares, a publié le 16 courant l'entretien sous le titre « Le monde considère la Corée socialiste comme phare de l'espoir ».